Le temps qui passe, les rêves s'entassent et puis s'effondrent comme château de sable. Au fond de la classe, je m'étais déjà lassé. La rue m'a enlacé, c'est trop tard. De la drogue en petit sachet, on n'a jamais touché le chômage, nous, c'est dommage. Voler où t'as fait au marché, ça dépend qui marche avec toi, ça dépend l'entourage. Salut, on l'a fait, on s'est sali. Le soir j'étais sur Paname, je ravitaillais les touristes. Demain peut-être tu serais pas là. Pourtant j'ai fait le pari, c'était risqué mais voilà. Risqué c'est le titre de ma vie, c'est la folie. Passé, je me nourris d'hier. Je veux bien pardonner, mais jamais oublier. Je t'ai vu partir loin en laissant derrière. J'ai vite écouté mon cœur, il est trop nia. Je vieillis comme la cité, rien ne dure de toute façon. Que des sans visage ici et des yeux pleins de mensonges. Ouais, pour tout, j'bique, jaloux, tu nous pousses à t'éteindre la lumière. Ouais, vite, faut que je parte. Je supporte plus milieu de hier. C'est pas comme eux qu'on finira. Ce qu'on a commencé, on le finira. Du début, ouais ça m'est égal. On tirera la dernière balle. Sans adresse, sans bagage. On a pris le game en otage. Bientôt je rentre au village. Avec de l'or dans le pactage. Ici c'est là.